D'après Abu Huraira, radiallahu anh, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui doit réparer une faute, réparer une erreur, réparer une injustice envers son frère, qu'il le fasse, qu'il s'empresse de le faire. Car là-bas, c'est-à-dire dans l'au-delà, le jour du jugement dernier, il n'y aura pour réparation ni dinar, ni dirham, aucun argent, aucune richesse pour pouvoir se racheter. Faites-le avant qu'on ne prenne pour votre frère de vos bonnes actions. Et si la personne se retrouve sans action, alors on prendra des péchés de ce frère, victime, oppressé, qui seront posés sur l'oppresseur, celui qui a fait du mal, rapporté par Al-Bukhari. Méfie-toi aux serviteurs d'Allah de venir le jour dernier, le jour du jugement dernier, mouflis, c'est-à-dire faillitaire, tu as fait faillite, tu viens sans argent, sans rien, sans aucun bien, tu n'as rien pour pouvoir te racheter à cause des droits des serviteurs. Le devoir de tout croyant est qu'il se méfie de toute forme d'injustice dans tous les domaines. Une injustice qui touche l'argent ou les biens d'autrui, qui touche la personne, le corps de la personne, ou qui touche l'honneur et la dignité de la personne. Le devoir de tout croyant est de s'empresser, de se racheter auprès de son frère avant que la mort ne vienne. Car le jour dernier, il y a un jugement, mais le jugement se fait par rapport aux œuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, les bonnes actions et les mauvaises actions. D'après Abu Huraira, radiallahu anh, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, savez-vous qui est le mouflis, qui est le faillitaire, qui est la personne qui n'a véritablement rien, aucun bien, aucune richesse, dépourvue de tout bien? Ils ont dit, les compagnons, radiallahu anhum, le mouflis auprès de nous, c'est celui qui n'a ni dirham, c'est-à-dire qui n'a pas de bien matériel, il n'a pas d'argent, ni un quelconque bien, ni une quelconque provision, ni une quelconque affaire. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le mouflis dans ma communauté, c'est celui qui vient le jour du jugement dernier avec des prières, des jeûnes, zakat. Il a des œuvres qu'il a accomplies dans ce bas monde. Mais il vient aussi en ayant dans sa vie d'ici-bas insulté, dénigré, il s'est moqué d'une personne. Il l'a accusé à tort. Il a volé son bien, il a pris son bien sans sa volonté. Il l'a tué, il a effusé son sang, il l'a frappé et toute autre forme de mal. Alors, on prendra des bonnes actions de cette personne qui a fait le mal pour les donner, pour racheter les fautes et les erreurs. Et si il n'a plus de bonnes actions et que son compte n'est toujours pas terminé, il n'a toujours pas terminé de se racheter, alors on prendra des péchés des personnes qui ont été lésées, des personnes qui ont été oppressées, à qui ont subi le mal, pour que tous ces péchés soient mis sur le dos comme fardeau sur cette personne qui a fait le mal. Et au final, il ne se retrouvera qu'avec des mauvaises actions, ses propres mauvaises actions et les mauvaises actions des autres personnes qu'il a prises sur lui-même, et il sera posé dans le feu de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve tous. Le hadith rapporté par Muslim. Nous invoquons Allah, élevé soit-il, d'accepter de nous tous le repentir. Nous invoquons Allah, élevé soit-il, de nous faciliter la bonté, le bien, que ce soit dans les paroles ou dans les actes.